et, s'étant assis sur un banc, à l'ombre étiole du parvis, d'où tombait une odeur de miel, dans un bourdonnement d'abeilles, voici ce que l'abbé Trotabaz me raconta. 12 ans auparavant, sur ce pauvre village de Dromont, une épidémie s'était abattue. La 7e plaie d'Égypte. Maladie étrange, terrible, qui, tout d'un mois, fit mourir les petits-enfants et les enfants de lait. Les médecins ne savaient que faire. Et chaque matin, un nouveau glas. Et chaque soir, un angelé qu'il fallait porter au cimetière. Les gens du pays appellent encore cette année l'année des petits cercueils. Ce fut une désolation. Pas un enfant en dessous de 5 ans n'en réchappa, pas un, excepté la blondine tout à l'heure. As-tu remarqué comme elle a l'air triste? La chose se comprend. Élevée ainsi, sans amis, sans camarades de son âge, dans ce pays perdu, isolé de tout, en pleine montagne, avec les cailloux d'un torrent pour grand chemin. Au diable l'amour-propre, j'ai dû la faire communier toute seule. Cela l'aurait menée trop loin, jusqu'à 16 ans et plus, si on avait voulu attendre les autres. Orpheline avec ça, elle gagnait sa vie à garder les chèvres. Tu déjeuneras mal, je t'en avertis. Il a fallu que ma gouvernante se dévoie pour la remplacer aujourd'hui. Ici, relevant ses lunettes, le curé de Dromont-le-Haut renfonça du coin de son mouchoir quelque chose qui ressemblait à une larme. Mais il avait l'âme trop candide pour demeurer triste longtemps.